Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans le cours de l'histoire. Historiens, historiennes, confinés mais mobilisés pour comprendre le moment étrange que nous vivons. Pour ou contre la vaccination, quand il s'agit de vaccins, le mouvement anti-vaccination, anti-vax, s'exprime avec vigueur notamment sur les réseaux sociaux. Mais, chose étonnante, les arguments développés font écho à un discours construit dès le XVIIIe siècle contre la vaccination. Alors comment expliquer la défiance et la persistance de cette défiance contre la vaccination? Demandons son avis à Laurent-Henri Vigneault. Laurent-Henri Vigneault, bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférence en histoire moderne à l'Université de Bourgogne. Vous êtes spécialiste de l'histoire des sciences. Vous avez écrit « Sciences, techniques, pouvoir et société du 15e siècle au 18e siècle ». C'est chez Duno. Et vous avez écrit également avec Françoise Salvadori « Anti-vax, la résistance aux vaccins du 18e siècle à nos jours ». C'est aux éditions Vendémiaire. Laurent-Henri Vigneault, avant de commencer sur le discours contre la vaccination, il faut tout simplement rappeler que ce mot de vaccin serait anachronique si on l'utilisait pour le XVIIIe siècle. De quoi était-il question au XVIIIe siècle? Alors en fait, cette pratique qui précédait celle de la vaccination concerne une seule maladie. Et d'ailleurs, pendant tout le XIXe siècle, même après l'invention du premier vaccin, ça concernait cette seule et unique maladie qui était la variole. Et donc avant la vaccination, on a inventé, ou on a importé plutôt, une pratique qui était une pratique orientale, turque on peut dire, qui s'appelait l'inoculation variolique. Voilà. Ça consistait à quoi? Alors, l'inoculation variolique, ça consiste à inoculer la variole. Alors ça peut paraître étrange parce que ça veut dire qu'on donne la maladie. En réalité, on la donne sous une forme atténuée. On pourrait parler d'atténuation naturelle parce qu'en fait, on utilise du pus d'un malade que l'on fait sécher, et c'est cette action qui en fait va limiter la virulence du virus de la variole, et d'autre part, on va inciser la peau, donc faire une petite scarification pour introduire cette espèce de poudre en fait de pus variolique, et le simple fait que ce soit introduit par une scarification déclenche aussi une première réaction immunitaire de l'organisme qui fait que quand on inocule la variole, c'est beaucoup moins dangereux que quand on contracte la variole de manière naturelle. Donc c'est un vrai procédé d'atténuation de la virulence d'un virus, ce qui est en fait le processus habituel de la vaccination. Laurent-Henri Vigneault, il faut rappeler ce qu'est la variole. La variole est une maladie qui terrifie au XVIIIe siècle, mais déjà avant. Quelle est cette maladie? Comment elle se contracte? Quels sont les symptômes? Alors, c'est ce qu'on appelle une fièvre éruptive. D'ailleurs, c'est un des problèmes parce que la variole a pu être confondue avec d'autres fièvres éruptives et c'est une en particulier qui est la varicelle et donc qui est beaucoup moins dangereuse. La variole est une maladie extrêmement contagieuse et aussi assez dangereuse. Alors, bien sûr, tout le monde a en mémoire, je dirais, au moins dans la culture générale, la peste et puis même au 19e siècle, le choléra. Mais au 18e siècle, c'est vraiment la maladie qui terrifie par excellence parce que d'abord, il y a des épidémies récurrentes très violentes et les taux de létalité peuvent atteindre 20 à 25%, ce qui est considérable, ce qui touche aussi bien les adultes que les enfants. Avec des séquelles, donc c'est la fameuse peau grêlée qu'on connaît sur certains portraits de personnages du 18e. Et ça, c'est dans les cas où on en réchappe. Mais encore une fois, dans un cas sur cinq environ, la mort se produit. Donc c'est une éruption de pustule. Quand la maladie est grave, on contracte ce qu'on appelle une variole confluente, c'est-à-dire en fait la peau s'enflamme intégralement et la mort est en général consécutive. Laurent-Henri Vigneault, nous comprenons bien que quand un traitement, quand une pratique peut être utilisée pour essayer de guérir les malades de la variole, les médecins en Occident sont intéressés, mais cette pratique qui nous vient d'Orient a quelque chose d'empirique. En fait, on ne touche pas à la démarche scientifique à l'origine. Oui, enfin, effectivement, c'est une pratique, c'est même une pratique, ce qui est un handicap supplémentaire pour l'époque, une pratique exotique, puisque donc cette pratique a été ramenée en Europe par la femme de l'ambassadeur auprès de l'Empire ottoman, qui est Lady Montagu. On pense que ça marche. Madame Lady Montagu l'a constaté en Turquie, mais on ne sait pas pourquoi. Et donc, les médecins sont réticents à l'idée d'accepter une pure pratique qui relève de la médecine empirique sans pouvoir en expliquer les causes du remède, quoi. C'est évidemment un problème, en sachant qu'à l'époque, ce qui domine, ce qu'on appelle la théorie des humeurs, et qui ne peut pas rendre compte de l'efficacité de l'inoculation variolique. Oui, la théorie des humeurs, qui vraiment domine, ne permet pas de comprendre ce procédé qui pourtant est jugé efficace, ou est-ce qu'il y a encore des hésitations sur son efficacité? Nous le voyons aujourd'hui, hein, avec ce que nous traversons avec certains médicaments, il est difficile de savoir s'ils sont vraiment efficaces. Il faut souvent des grandes études et puis il faut du temps. Est-ce qu'il y a un doute au XVIIIe siècle sur l'efficacité de l'utilisation de ces pratiques orientales pour lutter contre la variole? Ce qui est intéressant, c'est qu'en la médecine étant incapable d'expliquer le fonctionnement, en fait, ce qu'on appellerait nous aujourd'hui le fonctionnement immunitaire, hein, la science immunologique, elle naît au début du XXe siècle, donc on en est encore très loin, va avoir recours aux mathématiques et aux statistiques. Donc en fait, la démonstration la plus éclatante que l'inoculation fonctionne va être de démontrer à partir de tables de mortalité que l'on meurt plus ou que l'on risque davantage de mourir de la variole dite naturelle, de celle qu'on va appeler la variole artificielle, c'est-à-dire celle que l'on inocule. Enfin, c'est évidemment le même virus, mais vous voyez, le geste pratique fait qu'on distingue entre variole naturelle et artificielle. Et les premières études statistiques qui sont faites tendent à démontrer que la variole artificielle, donc l'inoculation, est 10 fois moins dangereuse que la variole naturelle. Mais une fois qu'on a dit ça, on admet que l'inoculation peut ne pas fonctionner. Et alors si elle ne fonctionne pas du tout, c'est-à-dire s'il n'y a aucun effet, tant pis, mais ce qui se passe, c'est que dans un certain nombre de cas, ça induit une variole sévère, donc ça ne marche pas et ça transmet la maladie sous sa forme sévère. Et évidemment, donc des médecins, à ce moment-là, réfléchissent d'un point de vue éthique à la possibilité de commettre un geste médical qui potentiellement peut tuer. Vous voyez, le débat déontologique, en fait, il est déjà présent au XVIIIe autour de l'inoculation, d'autant plus que l'inoculation est assez dangereuse. C'est ce qu'on appelle de la médecine préventive. Toute la question, c'est a-t-on le droit de prendre le risque d'administrer, on va dire, pour faire large, un médicament à quelqu'un qui n'est pas malade. Quand on est en mode curatif, les questions se posent moins, puisque une personne qui va être malade va supplier son médecin de lui trouver un remède. Donc le premier qui passe est le bon. Mais quand on est en préventif, on va, dans le cas de la vaccination ou de la variolisation, introduire un agent infectieux à une personne qui ne l'a pas. Donc toute la question est de savoir si c'est intéressant pour elle ou pas. On est presque ici dans une réflexion de mode assurantiel. Je prends un risque, je paye une assurance pour ma maison si elle brûle. Mais elle brûle pas. Alors est-ce que je ferais mieux de pas payer d'assurance parce que du coup, tout cet argent sera dans mon poche puisque ma maison, elle brûlera jamais? Ou est-ce que je dois quand même payer parce qu'on sait jamais? Enfin, vous voyez, c'est ce type de raisonnement-là. C'est des raisonnements probabilistes, en fait, qui s'instaurent. Laurent Rivignaud, nous avons les bases du questionnement installé dès le XVIIIe siècle autour de la variolisation. Pourtant, en parallèle, il y a des évolutions. Ce sont les évolutions de la médecine. La vaccination elle-même naît dès la toute fin du XVIIIe siècle. Il y a déjà ces pistes-là qui sont théorisées. Alors, quel est le changement entre la variolisation et la vaccination? Alors, premier changement, c'est il n'y a pas de changement, c'est-à-dire c'est toujours la même maladie, c'est toujours la variole. Mais simplement, un médecin anglais de campagne, dans le Gloucestershire, il observe que les personnes qui traient les vaches contractent une forme de sorte de variole bénigne, ils ont des pustules sur les mains notamment, et ces personnes-là, d'après l'étude qu'ils mènent, ne contractent jamais la forme de variole sévère humaine. Alors, il en conclut qu'en réalité, ces personnes vont être infectées par une forme de variole bovine, une forme de variole animale, la variole de la vache, ce qui donne en latin variola vaccina, hein, variole de la vache, et c'est ce terme de vaccina qui va devenir ensuite le terme de vaccination repris notamment par Pasteur au moment de ses travaux sur la rage. Et alors, ils constatent cette chose, c'est que ceux qui sont atteints de vaccine, donc ceux qui contractent cette maladie qu'on appelle en anglais le cowpox, ils ne contractent pas la variole humaine. Donc, son idée, c'est d'utiliser la maladie animale pour immuniser contre la variole humaine. Avec un très gros avantage, même deux très gros avantages par rapport à l'inoculation variolique. C'est que d'une part, la vaccine n'est pas contagieuse d'homme à homme. Et d'autre part, la vaccine, là aussi, contrairement à l'inoculation, est très peu mortelle. Il y a quelques accidents, mais ça n'a rien à voir avec le nombre d'accidents qu'il pouvait y avoir par la pratique très empirique de l'inoculation. Dès lors, est-ce que le discours contre la vaccination évolue? Est-ce que le discours des anti change avec, on va dire, ces progrès de la médecine avec la vaccination qui vient donc de la vache? Merci de nous le rappeler. Alors, bah évidemment, un raisonnement rationnel laisserait entendre que non. C'est-à-dire, il y avait des doutes avec l'inoculation, il n'y en a plus trop avec la variolisation, donc le discours va s'éteindre. Et ben, c'est exactement l'inverse qui se passe. C'est-à-dire que le discours anti-vax, il va se structurer justement avec l'arrivée de la vaccine. De toute façon, pendant pratiquement un siècle, ce ne sera le seul et unique vaccin, donc les anti-vax sont forcément anti-vaccine puisqu'il n'y a que ça. Et alors, quel est leur raisonnement? Leur raisonnement, c'est que d'abord, de manière surprenante, plusieurs de ceux qui sont contre la vaccine étaient pour l'inoculation. Mais ils pensaient que dans le cas de l'inoculation, il y avait une sorte de... On aidait l'organisme à répondre, quelle que soit la manière dont cette réponse se faisait, à combattre un mal qui était donc extérieur. Alors que dans le cas de la vaccination, on transmet une maladie qui est une maladie animale, une maladie bovine. Et donc un des premiers thèmes qui va être développé par les anti-vaccins au XIXe siècle, c'est le thème de la minotaurisation, c'est-à-dire l'idée que en transmettant ce qu'on appelle à l'époque des humeurs animales à l'être humain, il y a un risque que son sang soit pollué, que d'autres maladies de la vache soient communiquées aux hommes, que même les sentiments de la vache soient communiqués aux hommes, c'est-à-dire qu'il y a une brutalisation, une animalisation de l'être humain à travers ce procédé. Et puis, il y a aussi un autre argument, qui est un argument qui retourne l'argument statistique, qui consiste à dire que puisque les enfants sont désormais vaccinés, ils sont protégés, mais selon certains médecins du milieu du 19e siècle, ça déplace en fait la morbidité, ou plutôt la mortalité, vers l'âge adulte. Or, on a plus besoin pour faire les guerres, pour faire tourner les usines, etc., d'adultes en bonne santé que d'enfants surnuméraires. C'est la grande époque des prolétaires. Donc si on perd quelques enfants, surtout dans les classes pauvres, c'est pas grave. Mais par contre, ce qu'il faut, c'est des jeunes gens en bonne santé. Laurent-Henri Vigneault, tous ces débats se traduisent comment? Donc j'imagine qu'il y a énormément d'écrits, ils transparaissent dans la presse, on a des plaquettes. Comment ça se construit, vous, historien, qui avez étudié tous ces discours? Alors nous, pour le livre et cette période-là, c'est-à-dire disons la première moitié du 19e siècle, on a surtout utilisé des traités médicaux anti-vaccins. Il y a quelques textes qui peuvent paraître dans la presse, mais la presse n'est pas encore totalement constituée, enfin en tout cas telle qu'on l'entend à partir de la fin du 19e siècle. Il y a aussi des caricatures, ça a beaucoup, notamment dans les journaux anglais, c'est un sujet qui fait écrire et qui fait dessiner ce sujet-là. Il y a une célèbre gravure notamment au début du 19e siècle qui représente justement ce mythe de la minotaurisation où on voit des petites vaches pousser dans les bras des gens qui viennent d'être vaccinés. Mais à partir de la deuxième moitié du 19e siècle, le débat devient de plus en plus public, au sens où la presse s'y intéresse de manière de plus en plus forte, avec des parents aussi qui écrivent des lettres pour dénoncer des accidents vaccinaux, des problèmes d'ulcération, les quelques problèmes de mauvaise réaction allergique qui peuvent être induits par la vaccination. Alors pourquoi les parents passent par les journaux? C'est aussi parce que dans la plupart des pays, les statistiques de la vaccination sont centralisées par les États, et que les États en général sont très favorables pour des raisons économiques, militaires et tout ce qu'on veut à la vaccination, et ne font pas remonter en fait les informations qui fâchent. En particulier, on sait depuis le 19e siècle qu'il y a un risque dans la pratique vaccinale de transmettre la syphilis, parce qu'on passe, on oublie la vache en fait, parce que c'est compliqué d'obtenir le virus par la vache. Donc on administre la vaccine à un premier enfant, et ce premier enfant va le nommer vaccinifère, c'est-à-dire qu'on va l'utiliser pour vacciner les autres enfants. Mais si cet enfant-là, il a d'autres maladies, comme par exemple la syphilis, ça peut être transmis. Et ces cas justement de syphilis post-vaccinale, ils sont tus par l'administration. Hein. Les informations ne sortent pas parce que les autorités ont peur que les gens se détournent en fait de ce qu'ils considèrent comme une pratique malgré tout utile. Et dans l'histoire de la vaccination, un nom s'impose évidemment à la fin du 19e siècle. C'est celui de Pasteur, Louis Pasteur, le vaccin contre la rage, 1885. Bien sûr, Pasteur, héros de la science, héros républicain de la science, nous est présenté comme vraiment l'inventeur de génie. Mais le discours, en fait, est toujours très présent contre ses travaux. Pasteur doit résister à un flot de discours que vous nous avez présenté, hein, Laurent-Henri Vignot, un discours qui est toujours présent depuis le XVIIIe siècle, mais qui s'enrichit au fur et à mesure des découvertes. Oui, et dans ce contexte-là, c'est-à-dire une médecine qui est en train de devenir, avec Claude Bernard et ses successeurs, de plus en plus une médecine expérimentale, une médecine aussi humaine en lien de plus en plus étroit avec la médecine vétérinaire. Il ne faut pas oublier que Pasteur, avant de vacciner des humains, il a vacciné des animaux, et c'est comme ça qu'il a construit en fait sa réputation, notamment contre le charbon qui touchait le cheptel ovin, ou contre le choléra des poules, etc. Et cette nouvelle dimension de la médecine suscite de nouvelles critiques. Il y a par exemple des mouvements qui apparaissent à l'époque de Pasteur, qui sont aussi des mouvements anti-vivisection, qui sont des ligues de protection des animaux. Et donc Pasteur est accusé, en digne successeur, si on peut dire, de Claude Bernard, d'être un grand massacreur d'animaux de laboratoire. Bon, donc ça, c'est une première manière de, par la marge ou indirectement, de contester la vaccination, c'est de dire que pour mettre au point des vaccins, il faut tuer des animaux, et c'est pas bien de tuer des animaux. Une autre dimension, alors là, qu'on peut considérer peut-être comme nouvelle, bien que historiquement on pourrait en retrouver le fil sur des périodes plus anciennes. Déjà au XVIIIe, on accusait les inoculateurs de faire fortune sur l'inoculation, qui était assez chère. C'est la création de l'Institut Pasteur, donc d'une usine, comme disent ses adversaires, à fabrication de virus. Et là, ce qui est dénoncé, par exemple, sous la plume d'Henri Rochefort, qui est un journaliste très hostile à Pasteur, c'est de chercher le profit, hein, en fait, d'inventer des vaccins uniquement pour remplir les poches des médecins et des laboratoires qui commencent à les fabriquer en série. Déjà la lutte contre Big Pharma, quoi. Oui, c'est ça. C'est un peu l'origine du thème de la lutte contre Big Pharma, en effet. Laurent-Henri Vignot, au XXe siècle, il y a toujours cette évolution du discours de ceux qui luttent contre la vaccination, qui considèrent que c'est inutile, voire dangereux, avec des discours qui nous viennent du XVIIIe siècle. En tant qu'historien, vous arrivez à démêler facilement, mais jusqu'à aujourd'hui, hein, la généalogie, j'ai envie de dire, des arguments avancés par les antivax. J'aime bien que vous employiez le terme généalogie, parce que c'est exactement de cette manière qu'on a pensé l'ouvrage. C'est-à-dire qu'évidemment, les descendants ne sont pas les aïeux. Hein, ils se ressemblent pas tout à fait, ils sont proches, mais ils se ressemblent pas complètement physiquement, et pourtant, ils partagent les mêmes gènes. Et c'est exactement ce qui se passe pour les arguments anti-vax. C'est-à-dire qu'on peut pas dire que les arguments d'aujourd'hui soient exactement ceux du 18e ou ceux du 19e siècle. Mais en fait, il y a un système de parenté. Donc de ce point de vue-là, nous, on a isolé quatre grands thèmes qui sont des thèmes récurrents et qui reçoivent à chaque époque des formes, si vous voulez, réactualisées. Donc ces thèmes sont le thème de la religion, du destin. Est-ce que je m'autorise à me prévaloir contre le destin ou pas ? Bon. Le deuxième thème, c'est celui de la nature. La vaccination et l'inoculation déjà, mais surtout la vaccination, a été toujours conçue comme un geste antinaturel, comme un geste artificiel. Le troisième thème, c'est un thème de science parallèle, si vous voulez, de science alternative. Donc des gens qui ne croient pas à la théorie des germes, des gens qui ne croient pas aux règles de l'immunologie, qui pensent que les clés de la santé sont ailleurs, par exemple en pratiquant un bon régime ou en faisant du sport, etc. toutes ces approches qu'on peut appeler des approches holistiques. Donc, il ne suffit pas d'une piqûre pour se prémunir contre une maladie. Pour être en bonne santé, c'est tout un régime de vie. Et enfin, un dernier thème qui est particulièrement fort aujourd'hui, mais qui a toujours existé, c'est le thème politique. C'est-à-dire, est-ce que l'État peut me forcer à recevoir un vaccin? C'est dans le cadre des lois d'obligation. Est-ce qu'il peut me forcer à recevoir un vaccin si j'en ai pas envie, si je n'en sens pas le besoin, etc. Et donc là, il y a un rapport en fait entre le citoyen et l'autorité qui fait partie des thèmes qui aujourd'hui sont particulièrement, disons, forts dans l'opinion. C'est pourquoi il est nécessaire de prendre du recul sur ces débats virulents aujourd'hui. C'est le débat contre la vaccination. Laurent Rivignaud, je rappelle le titre de votre ouvrage que vous avez coécrit avec Françoise Salvadori, Antivax, la résistance au vaccin du XVIIIe siècle à nos jours, avec ces chemins tracés sur lesquels vous nous conduisez. Merci beaucoup à vous pour ce vaccin de rappel. C'était très intéressant, Laurent Rivignaud. Merci beaucoup. Merci. Retrouvez le cours de l'histoire par Xavier Mauduit tous les matins de la semaine à 9h05 sur France Culture.